Exercice 8, page 76. A. Il répète des scénettes. Transformer. Il répète lesquelles? B. Il préfère les poèmes. Transformer. Il préfère lesquels? C. Il précède ses élèves. Transformer. Il précède lesquels? D. Il énerve ses beaux-frères. Transformer. Il énerve lesquels? E. Il réserve des billets. Transformer. Il réserve lesquels? F. Il déteste les balais. Transformer. Il déteste lesquels ?